Un sondage récent a suscité un certain nombre de réactions en haut lieu. Non, il ne concernait pas la prochaine présidentielle, il ne portait pas sur les chances de Macron, Zemmour, Hidalgo, Mélenchon, Le Pen et les autres, il portait sur Dieu. La question posée par l'IFOP aux sondés était la suivante. Vous, personnellement, croyez-vous en Dieu ? La réponse pour le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, fut reçue comme une gifle. 51% des personnes interrogées ont répondu non. Le bon Dieu était désespéré. Pendant des siècles, il avait régné en maître. À l'aube du 21e siècle, sa situation devenait critique. D'autant que, de manière significative, il avait baissé dans les sondages. En 2011, quand la même question avait été posée, la réponse négative avait été seulement de 44%. Seuls 44% disaient à l'époque ne pas croire en Dieu. Aujourd'hui, il fallait s'y résoudre. Les non-croyants devenaient la majorité. Si l'on ajoute les agnostiques, les sans-opinion, c'était une véritable bérésina. Saint-Pierre a bien essayé de relativiser. Vous savez, mon Dieu, faut pas vous mettre la rate au courbouillon. Un sondage, c'est rien qu'une photographie de l'opinion publique à un moment donné. Et l'opinion publique, vous savez ce que c'est? C'est comme les couilles du faucheur, ça va, ça vient. Dans l'intimité, Saint-Pierre n'hésitait pas à utiliser des expressions un peu lestes pour muscler sa conversation et amuser le bon Dieu. Mais ce jour-là, c'était peine perdue. Le bon Dieu n'avait pas le cœur à sourire. Il ne prit même pas la peine de répondre à son fidèle apôtre. « Vous savez, mon Dieu, poursuivit Saint-Pierre, c'est une sale période pour vous, je ne dis pas le contraire, mais vous allez remonter la pente. C'est pas la première fois que vous êtes mis en difficulté. Et puis, le Covid, les gilets jaunes, l'augmentation de l'essence, le réchauffement climatique, la pédophilie dans les sacristies, forcément, ça finit par miner le moral de tout le monde. » Le bon Dieu resta muet. Le bon Dieu faisait la gueule. Vous allez dire que je m'occupe de ce qui me regarde pas, mon Dieu, insista Saint-Pierre. Mais les gens, ils en ont soupé des belles promesses. À force de promettre la vie éternelle, le paradis, tout ça, les gens finissent par se désintéresser. Ce qu'ils veulent, les gens, faut se mettre à leur place. C'est du concret. Du concret? Interrogea le bon Dieu, troublé. Lui ne vivait que dans l'abstraction et la parabole et l'allégorie. Ben oui, vous qui avez tous les pouvoirs, mon Dieu, faites disparaître les calamités naturelles, la misère, la pauvreté. Tout de suite, vous allez voir, forcément, vous allez remonter dans les sondages. Le bon Dieu descendit de son nuage, la mine ragaillardie. « Vous avez raison, Saint-Pierre, fit le bon Dieu. Il ne faut pas céder au découragement. Mais je vais faire mieux. Appelez-moi tout de suite l'IFOP. Le sondage est mauvais parce que déjà, leur question était mal posée. La question qu'il faut poser aux sondés est la suivante. Avez-vous la certitude absolue que Dieu n'existe pas ?» Merci François Morel. On vous retrouve François dimanche, 15h-17h sur Inter, pour célébrer en musique les 100 ans de Georges Brassens. France Inter.